Avec une faible dégradation pneumatique attendue pour ce Grand Prix d'Australie 2026 et avec deux voitures de sécurité virtuelle qui sont arrivées en début de Grand Prix, il est naturel que les stratégies furent très linéaires pour le Grand Prix. Enfin, très linéaires, bien sûr, à moins de piloter pour Ferrari. Mais ceci étant mis de côté, il n'y a pas grand matière à regarder, à comparer les différentes stratégies qu'il y a eu ce dimanche, ou du moins pour le moment. Je vous propose d'abord de commencer par un petit récapitulatif du Grand Prix, avec déjà de l'action avant même le début de course. On a eu une superbe sortie de piste de Oscar Piastri pendant le tour de mise en grille, qui nous rappelle un petit peu que ces nouvelles Formule 1 ne dépendent pas uniquement des pilotes, des capacités de pilotage, mais aussi de prévoir un petit peu ce que va faire le moteur pendant qu'on se lance. On rappelle que voilà, c'est un petit peu comme les débuts en 2014, 2015. Je me rappelle Grand Prix de Spa-Francorchamps en 2015, pendant les qualifications, il y avait ou 2016, je ne sais plus, mais Alonso était en train de faire un tour de malade et pendant son tour, le moteur s'est mis en mode « Ouf, super tour d'attaque, on se met en mode récup », et alors qu'il était en tour d'attaque. Donc, ça a gâché sa qualif. Donc voilà, c'est un truc, voilà, les pilotes, il faut qu'ils s'habituent à ce que le moteur leur fasse des surprises. Mais pour la faire courte, c'est simplement au moment de rétrograder, il s'est retrouvé avec 100 kW de puissance supplémentaire. Ce qui, à basse vitesse, en pleine sortie de virage, donne ce genre de conséquences. Et une autre surprise moins spectaculaire dans le clan de Audi avec Nico Hülkenberg, qui n'a pas pris part au départ. Donc, deux non-départs, non-partants avant le départ. Ça fait beaucoup de fois le mot départ. Tout ça pour dire qu'on n'aura toujours pas eu notre grille à 22 pilotes cette année. Peut-être en Chine, on y aura le droit, qui sait. Ensuite, le départ a été un petit peu chaotique avec différents pilotes qui ont souffert avec la préparation de la batterie sur la grille de départ. On a eu Liam Lawson, ça a été assez flagrant. Et les deux autres, Red Bull Ford, Red Bull Ford, c'est le nom du moteur. Attention, et quand on parle de l'équipe Red Bull, c'est Red Bull Ford. Enfin, techniquement, c'est Red Bull Racing, Red Bull Ford. Donc, les deux autres Red Bull Racing, Red Bull Ford de Verstappen et Hadjar qui ont tous les deux démarré la course avec la batterie à plat. Les équipes et les pilotes vont devoir continuer à apprendre. Et ça a donné un départ au contraire assez spectaculaire des deux Ferrari comme on s'y attendait, des moteurs Ferrari en général. Surtout que sur la procédure de départ, le chargé du départ a été assez canaillou. Il a donné le départ assez rapidement, ce qui, on pouvait s'y attendre, était assez avantageux pour les moteurs Ferrari après ce qu'on a vu en essai privé. On se retrouve avec pas mal d'actions sur les premiers tours, avec Russell et Antonelli aussi un petit peu piégés par leur propre batterie, surtout Antonelli qui en a le plus souffert. Et ensuite, on a eu un échange, un petit ping-pong. Comment ça s'appelle ? Ping-ball, les flippers, un coup de flipper entre Russell et Leclerc pour la première place. Hamilton qui regardait un petit peu en attendant son tour. Et les choses se sont calmées lorsque on a eu une bonne casse moteur à l'ancienne. Ça fait plaisir. Par contre, sur la Red Bull de Isaac Hadjar, alors quand je dis que ça fait plaisir, c'est de revoir un petit peu ces casses moteurs un peu spectaculaires. On en voyait très rarement ces dernières années. Les casses moteurs étaient plutôt silencieuses. Là, c'est vraiment paf, d'un coup, ça part, personne ne le voit venir. Je suis nostalgique peut-être de la vieille époque. Voiture de sécurité virtuelle qui intervient et donc Russell et Antonelli qui plongent au stand. Une prise de décision assez risquée. Mais d'un autre côté, quand on se place dans le clan Ferrari, on peut se dire que il y aura peut-être d'autres interventions de voitures de sécurité virtuelle, peut-être même une voiture de sécurité complète. Donc, c'était une prise de risque, un parti pris à prendre. Mais au final, ça n'a pas marché du tout parce qu'une voiture de sécurité virtuelle, le gain était estimé à peu près à 10 secondes à Melbourne de s'arrêter sous voiture de sécurité virtuelle. Donc, quand on regarde les écarts un peu à l'arrivée, on y est à peu près dans cette fenêtre des 10 secondes. Quelques tours plus tard, ça a été au tour de la Cadillac de Valtteri Bottas de s'arrêter à l'entrée de la voie des stands. Une seconde voiture de sécurité virtuelle, même si cette fois, elle n'a pas duré longtemps. Les Ferrari n'ont pas bien pu en profiter parce que la voie des stands a été fermée. Et finalement, ce qui a contraint Ferrari à s'arrêter à un moment normal de course et donc contraindre ce résultat un petit peu refroidissant quand on voyait la lutte entre Ferrari et Mercedes en début de course. Il y a eu d'autres luttes intéressantes dans le peloton, on y reviendra juste après. Le classement est donc resté tel quel aux avant-postes, avec Russell qui mène un doublé Mercedes devant Andrea Kimi Antonelli, leur premier depuis 2024. Charles Leclerc devant Lewis Hamilton. Lando Norris qui, j'oserais dire, sauve plus ou moins les meubles pour McLaren, mais qui se retrouve à une cinquantaine de secondes du rythme Mercedes. On en parlera juste après. Max Verstappen qui remonte de la dernière à la sixième position. Oliver Berman qui fait une superbe course pour Haas en septième place. Arvid Lindblad, de très beaux débuts. Gabriel Bortoleto qui confirme les promesses de Audi en neuvième place. Et Pierre Gasly qui a réussi à profiter un petit peu du chaos. Et d'une belle course pour marquer le dernier point. Et on notera la course à l'ancienne des Aston Martin avec Lance Stroll et Fernando Alonso qui se sont tous les deux retirés pendant le Grand Prix et sont ressortis à quelques reprises pour faire d'autres essais. Ça aussi, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des choses comme ça en Formule 1. Une équipe qui rentre et qui ressort pendant la course pour refaire des tests. J'ai grandi avec ça, donc ça ne me choque pas. Je me dis, c'est cool de retrouver un petit peu cette vibe. On va parler un petit peu du coup de ce qui s'est passé pilote par pilote, équipe par équipe, en commençant donc par les Mercedes avec un week-end, oserais-je dire, qualifié de parfait de Georgie Boy Russell dans la chronique ce dimanche en Formule 1. Maintenant, je vais essayer de l'appeler Georgie le grand garçon. Parce qu'il y en a qui pourraient croire que quand je dis Georges le grand, je veux dire, oh là là, c'est un grand comme Fangio. Ouais, ferme-la. Déjà, il est grand, il fait plus d'1m80. Et puis en plus de ça, c'est un grand garçon maintenant. Puis tout le temps, on l'appelle Georgie Boy maintenant. Il va prouver cette année que c'est un grand garçon. Déjà, il l'a prouvé l'an dernier. Et comme je le disais, un départ qui était compliqué pour les deux avec leur batterie qui était à plat. Il y a eu une belle lutte avec Charles Leclerc dans les premiers tours, même si, quand on regarde un petit peu plus le volant, on comprend pourquoi les positions s'inversent. Mais bon, ça, c'est une autre discussion que je me suis réservé pour une autre chronique et pour pas vous embêter avec mon aigreur légendaire, si j'ose dire, je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, il s'arrête rapidement, chausse les pneus durs et fait toute la course avec. Andrea Kimi Antonelli, ça a été un week-end assez marrant avec une sortie de piste en toute fin d'essai libre 3. Là, ça a été une sortie un petit peu à l'ancienne. Il est sorti un petit peu trop large sur le vibreur extérieur au virage 1. Et donc intérieur au virage 2 et a roulé sur une pente un petit peu trop glissante, a perdu l'arrière et puis c'était fini. Donc gros bravo à Mercedes pour avoir réparé la voiture très rapidement et gros bravo également à Red Bull d'avoir aidé en qualification Mercedes puisque sans la sortie de Verstappen, sans son crash en qualification, ils n'auraient pas eu le temps de remettre la voiture en piste à temps. Donc, il a pu sortir, faire un temps chronométré à la dernière minute, passer en Q2, en Q3. Son premier tour de Q3, il le rate avec une bête erreur. Mais heureusement, il sauve, il limite la casse sur son deuxième temps, quand même à 3 dixièmes de Russell. Donc, on pourrait se dire que, allez savoir, il y avait peut-être mieux dans la Mercedes, dans la seconde Mercedes. Mais je pense qu'il a eu un gros choc, un petit peu, on l'a senti très stressé après la qualification, Antonelli, d'avoir vécu tout ça, donc j'ose penser que peut-être il a été un petit peu plus tranquille sur son deuxième tour, et a simplement laissé la machine faire le boulot. Et puis pendant la course, il a pu remonter tranquillement, profitant du rythme de la Mercedes et aussi de la stratégie décalée. Quand on compare un petit peu les rythmes, on voit que Antonelli a eu une course un petit peu plus d'attaque sur la fin. Russell était plus en gestion. Naturellement, il était devant. Hein. Il attendait juste de voir le drapeau à damier et espérer qu'il n'y ait pas de casse dans la Mercedes. Chez Ferrari, ça a été la confirmation également d'un beau potentiel. Des qualifications peut-être plus difficiles. Il semble qu'à l'heure actuelle, Mercedes soit vraiment les seuls à maîtriser un petit peu leur nouveau moteur et sur son exploitation sur les tours rapides. Mais en tout cas, en rythme de course, il était assez clair que les Ferrari étaient très performantes. Bon envol, un très bon moteur aussi qui a bien été fabriqué. Donc, toutes les mauvaises langues de l'intersaison et de l'avant disant que Ferrari ne savent pas faire des nouveaux moteurs et se plantent à chaque nouveau début de saison enfin chaque nouvelle R moteur. Bon, bah, j'espère que vous êtes satisfait parce que ne serait-ce que sur la gestion de la disparition de MGUH, il y a eu, c'est peut-être l'équipe qui l'a le mieux géré de ce côté-là. Sur la partie du turbo, sur le fait de compenser avec une gestion différente du turbo, mais bon, ça on en parlera peut-être une autre fois, et on en a peut-être déjà parlé, je sais plus, mais tout ça pour dire que très belle défense face à Russell pendant les premiers tours de Leclerc, et puis ensuite, eh ben, ça a été une course à attendre, qu'il se passe quelque chose assez frustrante pour les deux Ferrari, parce que derrière il y avait Hamilton qui avait un assez bon rythme également, et qui se tenait à une distance suffisamment raisonnable des deux pour pas être pris si jamais il y avait une collision ou s'il sautait dehors ou quoi, et d'en profiter pour prendre les commandes. Malheureusement pour lui, c'est pas arrivé. On termine 3e et 4e, sachant qu'en fin de course, il avait un très bon rythme et revenait assez rapidement sur Leclerc. Leclerc, lui, semblait pas avoir de réponse à ce rythme-là. Et voilà, pour les Ferrari, assez peu à ajouter. Chez McLaren, par contre, on va probablement rigoler un petit peu plus, parce que, déjà pour commencer, on a appris après le week-end que McLaren, Alpine et certainement Williams aussi, même si ils s'en sont pas plaints, que Mercedes n'avait pas fourni toutes les informations pouvant aider ses clients à maîtriser le moteur. Et là, j'ai envie de dire, enfin, bravo à eux, Mercedes, parce que pour rappel, depuis, je sais plus quand exactement, ça fait pas si longtemps, mais ça date un petit peu quand même. Les motoristes sont obligés de donner tout à leurs clients. On parle souvent du cas de Romain Grosjean dans la Lotus Mercedes en 2015, qui subitement, en fin de Grand Prix, a eu un gain de puissance moteur assez remarquable pour aller chercher la Ferrari de Vettel. Et ça s'était expliqué simplement par le fait que Mercedes avait débloqué une cartographie moteur à laquelle... qui n'était pas réservé aux clients, enfin qu'on ne donnait pas aux clients. Là, à partir de maintenant, enfin depuis quelques années, les clients ont tous le même moteur, les mêmes cartographies, les mêmes réglages, ils ont tout. Par contre, ils n'ont pas le mode d'emploi. C'est la seule différence. Là, c'est démerdez-vous, on n'est pas obligé de vous expliquer comment on fait fonctionner correctement le moteur. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça aurait été un autre scénario si, sur les deux dernières années, Mercedes n'avait pas été battue par McLaren-Mercedes. Voilà. Ça aurait peut-être pas été la même chose, mais le fait qu'il y ait eu deux titres constructeurs et un titre pilote, badger Mercedes qui soit pas pour Mercedes, ça a peut-être joué dans la balance. Quoi qu'il en soit, si on en revient un petit peu plus sur le côté piste, ça a été, donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, une course difficile, sauvage de meubles, parce que j'étais très surpris, parce que Mercedes a introduit des améliorations à leur power units entre les essais de Bahreïn et Melbourne. Voilà, ils ont découvert des choses après la course, c'est-à-dire en se basant sur les données GPS. En tout cas, ça va leur donner un petit peu de boulot pendant la semaine pour Shanghai, pour se préparer correctement. Tout ça, ça se confirme avec un écart assez significatif sur Mercedes et Ferrari. Et en début de course, ça a été aussi un peu difficile. Norris s'est retrouvé bloqué derrière les Racing Balls. Mais il a profité de la voiture de sécurité virtuelle pour lui faire une stratégie à deux arrêts, pour le coup, se défendant aussi de Verstappen qui menait une stratégie inverse, lui démarrant pneu dur. On le voit sur le sublime Formule Blabla Teammate Dual Championship Generator Premium by Strigoon. C'est la nouvelle version de cette année, j'espère qu'elle vous plaît. Et on est encore en train de continuer pour continuer à améliorer le bousin. J'espère que les graphiques sont plus lisibles. En tout cas, ça nous montre juste, ce que je pointais, c'était juste médium, dur, médium. On verra pour Verstappen, ça a été l'inverse, parce qu'il s'est retrouvé finalement en fin de course à se défendre du retour de Verstappen, et il a fait un bon boulot de ce côté-là. Ça a été une gestion pneumatique, énergétique, et Norris a sauvé la 5e place. Oscar Piastri, de son côté, ça a été rien du tout, hein. Il se met dehors pendant le tour de mise en grille, c'est d'une tristesse, parce qu'il avait un très bon rythme sur le week-end. Là où Norris, au contraire, a été vraiment beaucoup plus perdu parce qu'il a raté la séance d'essai libre 1 à cause d'une panne. Et il disait qu'en essai libre 2 et essai libre 3, il était en train de rattraper le retard. Et chez McLaren, on était vraiment perdu hein, de ce côté-là. Dommage, mais quoi qu'il en soit, McLaren semble avoir un bon châssis. Je pense qu'il faudra peut-être les surveiller sur d'autres circuits, peut-être le Japon, ou des circuits qui nécessiteront moins de moteurs, ou pour quand ils auront commencé à mieux comprendre leur engin. Red Bull, on va s'intéresser d'abord à Max Verstappen avec un crash dès la Q1, un crash lié au train arrière, grosso modo, lors de la phase de récupération d'énergie, donc quand on lève le pied, qu'on commence à freiner, c'est le train arrière qui commence à récupérer de l'énergie. Et c'est à ce moment-là où l'arrière a bloqué et il a perdu la voiture. Donc, il a profité de la seconde voiture de sécurité virtuelle pour s'arrêter et chausser des pneus médiums. Il n'y avait pas moyen d'aller jusqu'au bout et il y avait naturellement Norris en ligne de mire. Donc, c'est là où on a commencé un petit peu à tenter quelque chose pour le mettre sous pression et le forcer à faire aussi un second arrêt et répondre. Ça a été une lutte à distance assez rigolote à suivre. Donc, voilà. Et du côté de l'autre Red Bull de Isaac Hadjar, ça a été, apparemment, il a dit dès le début, il a compris qu'il y avait un truc qui ne marchait pas le week-end. Ça confirme qu'il y a un bon rythme dans la Red Bull Racing, que le Red Bull Ford fonctionne plutôt bien, même si au niveau opérationnel, c'est là où ils ont du mal, ce qui est normal, hein, ça reste... un jeune motoriste que je suis peut-être totalement fou, j'oserais mettre un peu en comparaison au niveau de Audi. La différence étant que à Audi, c'est un petit peu plus leur truc, les moteurs hybrides en compétition. Red Bull, ils ont été motoristes pendant une ère de gel moteur sous la supervision de Honda. Ford se déboule. Donc, c'est plutôt nouveau pour eux, je pense, autant sinon plus que chez Audi. Quoi qu'il en soit, bon week-end pour Isaac Hadjar avec une bonne troisième place en qualification. Ça aurait été très intéressant d'avoir Verstappen dans l'autre Red Bull parce que je pense, allez savoir, il aurait peut-être pu même couper les Mercedes en deux, s'intercaler parce que comme on l'a vu, Antonelli, il était assez loin de Russell quand même. Donc Hadjar récupérait pas de puissance moteur comme il le voulait en début de course et ça s'est traduit par un abandon assez rapide. On va parler des cousins chez Racing Bulls maintenant qui font aussi un très très bon début de saison avec Liam Lawson qualifié 8e juste devant son coéquipier rookie Arvid Lindblad, sachant que tout au long du week-end, Lindblad était plus rapide que Lawson. A profité d'une erreur de Lindblad en Q3 pour se qualifier devant. Pour parler du petit jeune, j'ai pas vérifié, mais il doit être un des plus jeunes pilotes de l'histoire à entrer dans les points déjà, parce qu'il est, il a 18 ans depuis pas très longtemps. Et puis pendant la course, il a été très compétitif, agressif. Il y a même eu une belle lutte face à Verstappen, donc ça j'ai trouvé sympa que Lindblad... Montre des coudes face à la grande sœur et face à Maximus. D'ailleurs, ça n'a rien à voir chez Red Bull sur YouTube. Il y a une vidéo que j'ai beaucoup appréciée où Verstappen et Lindblad font des tests d'anciennes Ford. De Ford. Ils font des tests de rapidité dans les virages rapides, tout ça. Donc, c'est assez sympa. Et Lindblad, j'ai envie de dire, ce qui m'a fait encore plus l'apprécier, c'est surtout qu'il est allé chercher et choisir les modèles classiques. Voilà, c'est un petit jeune avec une bonne énergie, une bonne attitude en piste. Maintenant, on espère qu'il va pouvoir continuer sur cette dynamique. Liam Lawson, le départ a été atroce, mais là, on va peut-être blâmer le Red Bull Ford pour le coup, parce que c'est quelque chose qu'on attendait. Il y avait déjà eu un aperçu lors des essais de départ à Bahreïn. Il a perdu toute la puissance sur la grille de départ. Il a eu de la chance que Franco Colapinto derrière ait eu des réflexes de malade parce qu'il aurait pu se faire très très mal. On avait eu le cas à Jeddah en 2021, je crois, en Formule 2, lorsque... C'était qui ? Drugovic dans Fittipaldi ? Je ne sais plus. C'était dans Pourchaire, pardon. Pourchaire qui était resté immobile sur la grille de départ et Pietro... Ah, je sais plus, un défi Fittipaldi, il y en a 30 000 là. Pietro Enzo, Enzo je crois, Fittipaldi qui s'est fait très très mal en lui rentrant dedans. Donc heureusement, pas de blessé. Mais bon, vous inquiétez pas que si ça continue comme ça, on aura le droit à une petite civière dans la saison. J'avais dit que j'essaierais de pas être trop aigri. Belle remontée de Lawson pendant la course. Il y a eu une lutte merveilleuse sur Sergio Pérez. Là, il y a eu des gros flashbacks du Mexique 2024. Donc, allez savoir, hein, peut-être bientôt, il y aura un round 2. On l'espère, ça peut être rigolo. Continuons cette descente de la grille avec les As. Aussi, hein, As confirme qu'ils sont clairement en lutte pour les gros petits points. Avec un bon moteur Ferrari toujours, un châssis qui semble bien réussi et un partenariat Toyota qui se renforce. J'en ai pas parlé tout à l'heure, oui, parce que j'ai pas eu matière à en parler, mais je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Mais on a le Grand Prix de Chine et après on a le Grand Prix du Japon. Ce sont les terres de Honda. Si As arrive à briller à Suzuka, As Toyota, hein, on peut peut-être le dire, ça peut être très rigolo parce que je pense que dans la tête des deux équipes, il doit y avoir un petit peu d'orgueil pour réussir au Japon. Là, parce que ce sont chez eux, ce sont leurs circuits. Suzuka, c'est le circuit de Honda et Toyota, essayer de d'humilier son rival à domicile, ça leur ferait très plaisir, je pense. En tout cas, sublime course encore une fois et sublime week-end de Oliver Berman qui continue dans sa belle dynamique de 2025, sur sa belle fin de saison. Il y a eu de belles luttes. Il s'est retrouvé à lutter d'abord contre Ocon et Gasly. Une fois qu'il les a passés, il est allé chercher Berman, termine 7e, de beaux gros points. Ocon, ça a été plus compliqué la qualification. Enfin, il commence très bien le week-end et on a l'impression aussi, c'est un schéma qui se répète de l'an dernier, il commence bien et au fil du week-end, il stagne, il n'arrive pas à trouver de la performance. En plus, ce qui est vraiment pas rassurant, et c'était un peu le cas l'an dernier, Ocon et Berman ont des retours techniques totalement opposés. Ocon, lui, se plaignait de survirage, Berman de sous-virage. C'est pas bon signe quand on a deux pilotes qui sont pas d'accord, qui sont pas sur la même longueur. Pour le développement de la voiture et pour le développement des pilotes. Il a fait ce qu'il a pu pour défendre face à Pierre Gasly, mais suite à une défense, à une attaque plutôt musclée de Gasly, Ocon est retombé derrière et il s'est contenté de la 11e place. En passant rapidement chez Audi, avec du coup des points pour Gabi Bortoleto qui continue aussi hein, sur sa belle prestation de fin de saison. Il passe en Q3, il marque 2 points. Il aurait probablement pu aller chercher mieux si le départ n'avait pas été compliqué. Mais quoi qu'il en soit, l'équipe a bien géré. Hülkenberg, problème technique. On va s'en arrêter là. Je crois qu'il n'y a pas eu bien plus d'explications de ce que j'ai vu. J'ajouterais quand même... et là, c'est mon côté cynique. Je l'ai déjà dit dans le dernier FMG Night Fever. Bravo Audi, c'est bien, vous arrivez, vous marquez des points, tout ça. Mais avec mon ton très cynique, j'ai envie de rappeler que cette réglementation 2026 a été faite pour Audi, en grande partie. Une des conditions pour l'arrivée de Audi, c'était qu'on se débarrasse du MGUH, qu'on revoie quelque chose sur le moteur hybride. Ça a été fait. Donc, ça aurait été décevant s'il n'avait pas été à la hauteur, pour moi. Je le vois plutôt comme ça, parce qu'encore une fois, c'est pas comme s'ils étaient arrivés en plein milieu de la réglementation de 2014 à découvrir ces nouvelles unités de puissance et à se mettre à jour par rapport aux autres qui ont bien développé. Non, là, c'est tout le monde part de la même base et il n'y a pas besoin d'être motoriste en Formule 1 pour correspondre à ces demandes-là. Précisément, si tu veux, tu peux te dire que Toyota, j'ai lâché Peugeot, tu vois, mais j'en sais rien. Enfin, des équipes qui brillent en endurance, un championnat aussi hybride, peut aussi théoriquement partir sur une base similaire avec les autres en termes du moteur. Donc, à partir de là, qu'ils soient au niveau, moi, ça ne me surprend pas. Et n'oublions pas qu'en plus de ça, ils ont une usine qui est encore en cours d'amélioration. Ça reste une équipe assez hybride qui est entre l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne. Donc, ils auront un petit peu de temps pour rattraper tout ça sur le châssis et tout. Mais pour le reste, pour moi, ils sont là où ils devraient être, Audi. Chez Alpine, Pierre Gasly s'arrête en tout début de course. Il profite de la voiture de sécurité pour gagner quelques positions parce que en qualification, ça a été très compliqué pour les deux Alpines. J'ai l'impression de dire cette phrase très souvent. Je comprends pas, ils ont un bon moteur maintenant. Bizarre. Bref, passons. Belle lutte face à Ocon pendant la course et ensuite il a défendu toute la course. Donc il y a quelque chose de sympathique, je pense, dans l'Alpine. Je pense qu'ils ont un bon châssis et que comme McLaren, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour apprivoiser ce nouveau moteur Mercedes. Mais quoi qu'il en soit, le rythme n'était juste pas là. Je pense que ça peut être en partie dû à une mauvaise préparation de l'organisation du week-end et compréhension du moteur. Et Colapinto, bah, il a failli colapinter Lawson au départ, donc voilà, ça aurait été assez effrayant. Mais bon, à part ça, il se prend en plus un Colapinto and go. C'est le nom de la pénalité, hein. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, un stop and go, parce qu'il y a un mécanicien qui a touché à la voiture avant le départ. Donc si tu veux, à partir de là, sa course, elle était foutue. Mais quand même, il avait un rythme de merde. Un assez mauvais rythme globalement, on l'a mis sur des pneus tendres en fin de course et voilà, un assez transparent pendant la course, il a failli se faire éliminer par Alil, dites-le à haute voix, Franco Colapinto dans une Alpine Mercedes a failli se faire éliminer par Fernando Alonso dans une Aston Martin Honda. Alors autant si t'avais dit ça il y a 6 mois, ça te choquerait pas, dire ça aujourd'hui. Ça aurait eu une mauvaise gueule pour Colapinto. Voilà. Donc, heureusement, il a réussi à sortir un temps et passer en Q3. Parlons rapidement d'équipes qui sont en galère. Les Williams. Williams, là, chez eux, par contre, il y a un gros problème au niveau du châssis, hein. Ils sont pas encore à l'aise avec. Apparemment, le châssis est très, très lourd. C'est les difficultés un peu attendues, hein, après le gros retard qu'ils ont eu. On rappelle qu'ils ont raté une semaine complète d'essais privés. À cause justement du retard pris sur le châssis qui passait pas les crash tests, qui ensuite était beaucoup trop lourd. Donc Williams, je pense que voilà, ça va être compliqué. En plus, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité chez Carlos Sainz ce week-end notamment. Il a passé tous les essais libres 3 et la qualification au stand. Et pendant la course, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et pour ce qui est de Alex Albon, il a tenté un truc en s'arrêtant aussi en début de course, mais il était juste lent. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là pour eux. Et il nous en reste deux. Donc on va passer naturellement à l'avant-dernière force du plateau. Je vous propose de parler des Cadillacs. Ouais, l'avant-dernière force, ouais. Bon, c'est clairement la voiture la plus lente, comme on s'y attendait. Mais ils sont pas si loin que ça. Donc déjà, bravo à eux. Maintenant, le plus gros boulot qu'ils ont à faire, c'est l'opérationnel. Parce que voilà, on sent qu'ils sont perdus chez Cadillac sur beaucoup de points. Et encore une fois, je sais qu'il y en a plein qui ont râlé quand ils ont signé Pérez Bottas. Mais franchement, s'ils avaient foutu un rookie là-dedans, ça aurait été encore plus compliqué, je pense. Vraiment, le duo Pérez Bottas, ils doivent être très contents de l'avoir. Et je pense qu'il y aurait pas mieux à avoir par rapport à ce qu'il y a sur le marché. En termes de pilote, pas grand-chose à débriefer, hein. Pérez qui rate une partie des essais libres, Bottas qui en rate une autre. Donc voilà, faut encore qu'ils comprennent comment gérer le moteur Ferrari. Cadillac aussi et Haas se sont aussi plaints du fait que Ferrari avait pas donné toutes les informations, enfin le manuel d'emploi à ses clients. Bon, j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu, malheureusement. Donc peut-être que ça encouragera à les savoir, As, à donner des petits coups de coude à Toyota, à dire, allez, faites-nous un moteur, allez, fais-moi un moteur, allez. Et chez Cadillac, il y a juste à attendre l'arrivée de General Motors en 2029. Si je me trompe pas cette fois. Donc voilà, je vais pas ajouter grand-chose si ce n'est que Pérez, il m'a fait plaisir. Voilà, il est de retour, il a été très combatif, même s'il se battait pour rien. Hein, il savait qu'il finirait dernier, comme il l'a dit. Moi, je me suis amusé avec ce que j'ai pu et puis, voilà, je suis rentré. La souffrance de Bottas s'est terminée très tôt dans la course au 18e tour Et voilà pour eux, et on va terminer avec les Aston Martin. Là aussi, on a enchaîné les difficultés. Aucun tour en essai libre 3 pour Lance Stroll. Il a fait, je crois, 3 tours dans tout le week-end en essai libre. C'est assez compliqué. On lui a même donné l'autorisation de prendre le départ, alors que théoriquement, là, ça aurait été compliqué à justifier, si tu veux, quand tu as les Sainz ou Verstappen qui font pas de temps en qualification. On regarde les temps de d'essai libre, on fait « Oui, c'est bon, allez, t'es dans le rythme, on te laisse rouler. » L'Astrol, il n'a pas roulé du week-end, donc on m'a fait « Allez, on va regarder Alonso, c'est bon, allez, tu peux rouler. » voilà, rien à dire. On est arrivé quand même chez Aston Martin au début du week-end en disant « Off, peut-être qu'on ne va pas pouvoir prendre la course parce qu'il y a trop de vibrations, ça va blesser nos pilotes. » Je ne sais pas à quel point c'est une excuse et à quel point c'est vrai. Une excuse dans le sens où je rappelle qu'après les essais de Bahreïn, on avait dit « On fera peut-être un tour à Melbourne et on va arrêter. » Et à quel point le fait d'avoir dit ça à haute voix, il y a Dark Domenicali qui allait voir Adrian Newey, qui l'a pris par l'épaule, qui a fait « Alors, mon petit Adrien, comme ça, on ne veut pas prendre part à la course ?» Et du coup, Newey a dit « Non, mais en fait, ça blesse mes pilotes. » Et en fait, si tu veux, quand tu sors l'argument de la sécurité, d'accord. Parce que, je rappelle qu'il y a des accords Concorde qui lient les équipes, qui les obligent à participer. Donc, si tu veux, si tu fais juste un tour pour ne pas avoir l'air d'un con, ça passe pas. Alors que si tu dis « Oh là là, mon pilote, il a mal aux mains quand il pilote », là, tu fais « Bon, d'accord. » Bon, pas grand-chose à ajouter, si ce n'est le beau départ, pas beau départ, beau premier tour toujours de Alonso, qui a toujours une sublime lecture de course, qui sait toujours où se placer. Donc, on va se contenter de ça, je pense, chez Aston Martin, parce que ça va être compliqué. Moi, j'espère et je pense, je suis peut-être naïf, je pense qu'ils arriveront à résoudre leurs problèmes de moteur dans la saison. Et je continue de croire qu'il y a un bon châssis là-dessous. Donc, allez savoir. Hein, la mission 33, le titre Aston Martin, on peut toujours y croire. Non ? Quelqu'un ? Personne ? Ok, je suis seul. Cacahuète, un peu de soutien ? Non, il dort. Pour terminer, je rappelle que la campagne de précommande du Guide du Nerd est toujours active. On est à une 200aine de commandes, je crois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on a passé l'objectif. Donc, le bouquin sera édité. Il sortira normalement, si on n'a pas de soucis, mois de juin, fin juin. Et vous pouvez toujours le précommander. Je rappelle que c'est un petit guide de l'histoire de la Formule 1 pour, de manière très succincte, s'y retrouver dans toutes les ères, que ce soit l'avant-guerre, on commence à 1900 jusqu'à 1950, et puis ensuite, décennie par décennie, les événements importants, également les pilotes importants, les statistiques qu'il faut retenir de chaque décennie, tout ça, tout ça. Donc, si vous voulez, si ça peut vous intéresser ou si vous voulez juste me filer des thunes, si vous voulez juste soutenir la chaîne, je veux dire, je mettrai le lien en bio, tout ça, description, etc. Des bisous.